إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Aujourd'hui on commence le cours numéro 120 et on est dans le chapitre 43 dans le livre de Kitab al-Tawhid. Le titre du chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est « Babun ma ja'a fi man lam yaqna' bil halfi billah ». C'est-à-dire le chapitre de qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de celui qui n'est pas convaincu par celui qui, il n'est pas convaincu du fait qu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala devant lui. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit penser ou qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ce sujet-là? Si quelqu'un jure par Allah subhanahu wa ta'ala devant toi, est-ce que tu dois être certain de, ou convaincu de son témoignage ou de sa parole, ou bien est-ce que tu peux remettre en doute sa parole et son témoignage quand il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh il dit, وعن ابن عمر il mentionne, Cheikh Mohammed ibn Wahhab il mentionne le hadith dans ce chapitre, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il a rapporté selon Ibn Omar par l'imam Ibn Majah dans son Sunan, et c'est mentionné ici que c'est une sanad, une chaîne qui est hasan. Donc ça c'est un hadith dans ce chapitre, c'est le seul hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est pourquoi ce chapitre il n'est pas long. Toutefois, le chapitre qui a précédé, il était dans le même thème, le même sujet, c'est-à-dire le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et l'explication du fait que de faire ça, c'est shirk. Donc là, on est encore dans le même contexte, hein, c'est-à-dire de parler du fait que de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, ça rentre dans le shirk. On a parlé de ça dans le chapitre précédent. Là, on en parle encore, puis dans le chapitre qui suit aussi. Le Cheikh, il dit donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit selon Ibn Omar, ne jurez pas par vos pères. Ne jurez pas par vos pères. Et il dit, celui qui jure par Allah, qu'il soit véridique. C'est-à-dire qu'il dise la vérité. Qu'il ne mente pas quand il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit, وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهَ فَلْيَرْضَى. Celui à qui on jure par Allah devant lui, alors qu'il soit satisfait, qu'il accepte. Si quelqu'un te dit quelque chose et il dit, je te jure par Allah, tu dois être satisfait et accepter ce qu'il dit. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Et celui qui n'est pas satisfait du fait qu'il ait juré de son serment par Allah, alors il n'est pas d'Allah. Il n'a pas. Allah, c'est comme si Allah se plaisait à vous de lui. Le Cheikh il explique maintenant ce chapitre. Il dit قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله يعني ما جاء فيه من الوعيد أنه ينقص التوحيد لأن الذي لم يقنع بالحلف بالله لا يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم لأنه لو كان يعظم الله حق التعظيم لرضي بالحلف به فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله دليل على نقصان تعظيمه لله، وهذا ينقص التوحيد، كما أن كمال تعظيم الله كمال في التوحيد، وهذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. Le chef, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que dans ce chapitre, le chef il dit que c'est un chapitre au sujet du fait de celui qui n'est pas convaincu par la personne qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala devant lui. Ça veut dire, qu'est-ce qui a été mentionné de menace à ce sujet-là? Ok? Et du fait que ça diminue ton tawhid. Parce que la personne qui n'est pas satisfaite par le serment qu'on lui fait par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il ne respecte pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si je te dis quelque chose, je te dis par Allah, je te jure que cette chose-là a été dite ou cette chose-là a été faite, et toi tu ne le crois pas et tu n'acceptes pas, alors c'est comme si tu n'as pas de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que le chef explique. Si la personne avait du respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il le respectait réellement, il serait satisfait de ce serment qui lui est fait. Hein? Mais étant donné qu'il n'est pas satisfait et qu'il n'est pas convaincu par la personne qui a juré par Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une preuve que son respect pour Allah est déficient, et son tawhid est déficient également. Et donc, comme on peut dire que le fait de respecter Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir beaucoup de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre la perfection du tawhid, de même que le fait de respecter d'accepter la parole de celui qui jure par Allah, ça aussi ça fait partie de la perfection du tawhid. Et c'est pour cette raison là que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ça dans le chapitre en question. الشيخ الزي ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله وأنه شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ومن عظم غير الله بالحلف به فإن هذا شرك بالله عز وجل، وهو يختلف باختلاف الحالين، من كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر، ومن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل عنده نوع تعظيم لا يساوي تعظيم الله فإنه يكون شركا أصغر. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith-là, qui est rapporté selon Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé dans ce hadith-là en disant « Ne jurez pas par vos pères ». Et le cheikh il dit ici que on a parlé de ça dans le chapitre précédent, et on a expliqué que c'est interdit de jurer par autre que Allah. Et que c'est une forme de shirk ou de kufr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jure par autre que Allah, alors il a commis un acte de kufr ou de shirk. Il a fait un kufr ou un shirk. » Et on a expliqué que c'est-à-dire quand tu jures par quelque chose, c'est comme si tu es en train de lui montrer de l'honneur, du respect, tu es en train de l'exalter. Donc celui qui montre ce respect-là ou cette exaltation-là pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il y a dans ça une forme de shirk avec Allah, une forme d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu offres à autre que Allah quelque chose qui doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans ce sens-là. Et c'est pour ça que ça peut être deux catégories, ou le fait de jurer par autre qu'Allah peut être divisé en deux catégories. La première catégorie, c'est si tu jures par autre qu'Allah et que tu veux montrer un respect équivalent à cette chose-là par laquelle tu jures, tu veux lui montrer un respect qui est équivalent à celui que tu montres envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur. Parce que tu veux montrer à la créature ou tu veux offrir à la créature un respect égal au respect que tu veux offrir au Créateur. Et ça donc, c'est une forme de shirk majeur. D'accord? Si tu jures, par exemple, on a parlé la dernière fois des gens qui adorent les tombes ou qui adorent les awliya, et lorsqu'ils jurent par Allah, ils mentent, et lorsqu'ils jurent par les awliya, ils disent la vérité parce qu'ils ont peur des awliya plus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le shirk, il expliquait que si c'est dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur. Parce que tu montres un respect à autre qu'Allah qui est plus grand, hein, ou équivalent à celui qui est dû à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si tu jures par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu jures pas dans le sens que tu le mets à égalité, tu jures par autre qu'Allah, mais dans ton cœur, tu n'as pas le même respect pour lui que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu le respectes moins que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. D'accord? C'est une forme de shirk mineur dans ce cas-là. Bon, on va continuer. Le shaykh il dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la tahlifu bi aba'ikum, laysa hadha khasun bil aba', fal halfu bi ghayrillahi la yajuz, sawa akana bil aba' ou bi ghayrihim, wa sawa akana bil adamiyyin, min al rusuli wa salihin, ou kana bil ka'ba, ou ghayri dhalika min al makhluq, la yajuzu lahu an yahlifa illa billahi azza wa jal. فذكره الآباء هو من باب ذكر بعض أفراد المنهي عنه لأن عادتهم أن يحلفوا بالآباء. Donc le cheikh il dit, la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ne jurez pas par vos pères. Et le cheikh il dit que ça c'est pas particulier aux pères, parce que le fait de jurer par offre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit de façon absolue et générale. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement au fait de pas jurer par ton père, par exemple, ou par tes ancêtres, ou par ton père, mais c'est général pour le fait de jurer par toute autre créature, par toute créature, c'est-à-dire tout serment que tu fais, et tu le fais par autre que Allah, alors c'est haram et c'est shirk. Peu importe que ce soit par tes pères ou autres. Comme par exemple, il y en a qui jurent par des êtres humains, comme les messagers ou les hommes pieux, et il y en a d'autres qui jurent par autre chose que des êtres humains, comme par exemple par la Kaaba, hein, ou bien par d'autres choses qui sont créées. Et ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit uniquement jurer par Allah seul. Et comme je disais la dernière fois, il y a des gens qui prennent l'habitude de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'ils croient que c'est permis. Il y a beaucoup de jeunes musulmans et des vieux aussi qui jurent par leur mère, par leur père, par l'honneur ou par d'autres choses. ils pensent que de faire ça, c'est pas un problème, qu'il n'y a rien de mal à ça, alors que c'est une forme de shirk. Toutefois, comme on disait, de jurer par le Coran, ça c'est permis, de jurer par le Coran, c'est permis, parce que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, bien entendu, il faut comprendre que lorsqu'on dit qu'on jure par le Coran, c'est pas par exemple l'encre et le papier, mais bien entendu par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont écrites dans le Coran. D'accord? Donc ça c'est très important de comprendre ça, parce que le Coran c'est pas une créature, c'est la parole d'Allah, c'est pas une créature, c'est une attribut d'Allah. D'accord? Ça fait partie de la parole d'Allah, donc ça fait partie de ce qu'il a dit, donc c'est pas une créature. Exactement, tu peux jurer par par exemple, wa'azamatillah, donc c'est des exemples de façon de jurer par des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de jurer par la parole d'Allah, c'est permis. D'accord, donc là on continue, inshallah, le cheikh dit fa qawluhu wa man halafa billahi falyastuq. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالف بالله يجب عليه أن يصدق، فلا يحلف بالله كاذبا، لأن من حلف بالله وهو كاذب ف فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى، وإذا انضاف إلى ذلك أن يأخذ مالا بغير حق بموجب هذه اليمين فهي يمين فاجرة يقتطع يعني بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. Donc, le cheikh, il explique ici que la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dedans, celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il soit véridique. C'est-à-dire, si tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala, dis la vérité. Okay? Et ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire pour lui d'être sincère et d'être véridique. Et de ne pas, il ne doit pas jurer par Allah de façon mensongère. Parce que, il dit, parce que celui qui jure par Allah et qui ment en même temps, alors c'est comme s'il a dénigré. Il a dénigré Allah dans sa grandeur. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Et c'est un grand, grand péché. Et le cheikh, il dit, et si tu rajoutes à ça, le fait de prendre de l'argent en échange pour mentir dans ton serment, alors dans ce cas-là, c'est un serment qui est pervers et qui par lequel tu coupes le musulman de son bien. Et ça, c'est encore plus grave encore comme péché. Déjà, de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala de façon mensongère, c'est un grand péché, mais de jurer par Allah de façon mensongère pour obtenir de l'argent en échange ou en retour, ça c'est encore plus grave comme péché. Et le cheikh dit والحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله كالذي يحلف على السلع في البيع والشراء أنها جيدة وهي ليست كذلك أو أنها سليمة وهي ليست كذلك أو أن قيمتها كذا وكذا ليرغب الناس فيها وهو كاذب فإذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهذه هي اليمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب لأن الكذب في حد ذاته كبيرة. لشيخ الزي celui qui jure par Allah de façon mensongère, alors on appelle ça al-yad al-ghamous. Celui qui, parce que vous savez que quand on jure, on appelle ça en arabe al-yamin. Hein? Et al-yamin, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prête serment en arabe, quand on jure en arabe, on appelle ça al-yamin. On appelle ça en arabe al-yamin. Al-yamin. Pourquoi c'est la main droite? Soit quand tu jures, même quand ils jurent, même les kuffars, quand ils vont à la cour, ils lèvent leur main droite et ils font un serment. Hein? Mais ça s'appelle al-yamin. Le fait de. Yamin, ça veut dire la droite. D'accord? Donc, on appelle les serments, on appelle ça al-ayman. Le pluriel de yamin, c'est al-ayman. D'accord? Donc. On retrouve souvent ça dans le Coran. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Donc c'est les serments, tout ce qui a rapport avec ça. Et quand un serment est mensonger, est faux, ou quand il est fait pour de l'argent, on appelle ça al-yad al-ramous. C'est-à-dire, cette main-là, c'est comme si elle était trempée dans le péché, comme le cheikh dit. On l'appelle Ramous, pourquoi? Parce que c'est comme s'il est trempé dans le péché et ensuite trempé dans l'enfer. Hein, à cause de ce péché-là. Parce que la personne qui fait ce faux témoignage ou ce faux serment, il sera trempé dans le péché et ensuite dans l'enfer. Que Allah nous en protège. Comme par exemple, on va dire que quelqu'un veut vendre une marchandise. Hein? Et il jure par Allah que cette marchandise elle est en bon état et qu'elle est bonne. Alors qu'elle n'est pas en bon état, qu'elle n'est pas bonne. Ça c'est un exemple de Ramous, Yad Ramous. tu jures que c'est quelque chose qui est bon, puis tu sais très bien que c'est pas vrai. Ça c'est grave, hein? Parce que la personne, quand tu lui jures par Allah que c'est bon, elle peut pas penser que tu mens. Parce que tu lui jures par Allah, subhanahu wa ta'ala, hein? Donc, ça c'est grave. Et la même chose pour, par exemple, quelqu'un qui te dit qu'une marchandise, elle est en bon état, qu'elle n'a pas de défaut, qu'elle n'a pas de problème. Surtout, par exemple, une voiture. Il y a des gens qui vendent des voitures, des fois. Et tu jures par Allah, oh, je te jure par Allah, yani wallahi, hein? Wallahi, en arabe, on dit. Les façons de jurer en arabe, par Allah, c'est trois. Mais, avec le ba, ou avec le waw, wallahi, ou avec le ba, billahi, ou bien avec le ta, tallahi. Ok, ça c'est les trois formes, comment on peut jurer en arabe par Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wa tallahi, wa billahi. Ouais, c'est la même chose. Donc ça c'est quelqu'un, tu lui parles, tu veux acheter quelque chose de lui, il te dit « Wallahi, je te jure que elle est correcte, la voiture elle n'a pas de défaut, elle n'a pas de problème. » Et il ment parce qu'il sait que la voiture elle a un problème. Alors dans ce cas-là, yani, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle « Al-Yad al-Ramous ». Il fait ça pour forcer, pour inciter les gens à acheter et il ment. Donc, si il, فإذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهي اليد الغموس. Si il jure au sujet de quelque chose qui a rapport avec le passé et que c'est faux, alors dans ce cas-là, on appelle ça اليمين الغموس. Et ça, c'est un des grands péchés parmi les péchés, يعني, et ça fait partie des kaba'ir. En fait, c'est un grand péché. لأن الكذب في حد ذاته كبيرة. Déjà, dans l'islam, sans parler du serment et du serment mensonger, le mensonge en lui-même dans l'islam c'est un grand péché. الكذب كبيرة من الكبائر. Déjà de mentir sans jurer, c'est un grand péché. Et on sait que déjà le prophète a dit, المسلم لا يكذب. Le musulman il ne ment pas. Un vrai musulman il ne ment pas. Donc il n'a pas besoin de jurer pour prouver qu'il est sincère ou qu'il est véridique, en principe. Donc, si tu jures par Allah et que tu mens en plus, c'est encore plus grave dans le péché. Comme le cheikh il dit, فَلَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. Ça c'est le verset 61 dans surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous allons faire tomber la malédiction d'Allah sur les menteurs. Al-Kadhibin, ceux qui mentent. D'accord? Et, il dit dans Sourate An-Nahl verset 105, إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالكذب في حد ذاته كبير من كبائر الذنوب. فإذا ضاف إليه يمين كاذبة صار أشد وأعظم. وجاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. Bon, le cheikh dit ensuite, dans le verset 105 dans surat al-Nahl, ce sont uniquement, ou c'est celui qui invente un mensonge, c'est uniquement ceux qui ne croient pas en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là sont les menteurs. Et ceux-là sont les menteurs. Et ensuite, le cheikh il dit فالكذب في حد ذاته كبيرة فإذا ضاف إليه يمين كاذبة صار أشد وأعظم. Donc le mensonge en lui-même, déjà c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et si on y rajoute un serment qui est faux, hein, qui est mensonger, alors ça devient encore plus grave et encore plus grand dans le péché. Et c'est rapporté dans le hadith, hein, dans le hadith, يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم il y a trois personnes que Allah, auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois catégories de personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas parler au jour de la résurrection, et il ne va pas non plus les regarder, il ne va pas les purifier, et ils auront un dur châtiment. Ça, c'est les caractéristiques de ceux-là. Et yani, qui sont ces trois catégories de personnes qui sont mentionnées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith? Eh bien, le premier, c'est Al-Musbil. Al-Musbil, c'est-à-dire la personne qui laisse traîner ses vêtements en bas de sa cheville. La personne qui laisse traîner ses vêtements en bas de la cheville fait partie de ces gens-là qui auront ce châtiment-là. Donc, yani, on sait tous que la question de laisser traîner les vêtements en bas de la cheville, ça c'est un péché qui est très grave, que beaucoup de gens prennent à la légère, et en particulier aujourd'hui, parmi les musulmans, des fois, Allah al-Musta'an, tu peux rentrer dans une mosquée, et puis tu vas voir des gens qui sont en rang pour faire la prière, et puis, yani, Allah al-Musta'an, la rangée au complet devant toi, tu regardes les bas de pantalon des gens, et puis tu remarques que la plupart d'entre eux, sinon presque tous, ont leurs pantalons en bas de leur cheville. Et ça, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, ma asfala min al-ka'bayni fa fi an-nar, ou ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar. Donc il y a une menace du feu de l'enfer pour la personne qui laisse traîner ses pantalons en bas de la cheville, ou bien son vêtement en bas de sa cheville. Et il y a à ce sujet-là plusieurs hadiths, comme on a mentionné. On appelle ça en arabe al-isbal. Al-isbal, c'est-à-dire de laisser nos vêtements traîner, et en particulier en bas de la cheville. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui est en bas de la cheville, des vêtements, eh bien, ce sera dans le feu. Et dans ce hadith-là, ici, on a un autre exemple d'une menace à ce sujet-là qui est très sévère, hein, que Allah ne va pas leur parler, Allah ne va pas les regarder, Allah ne va pas les purifier, et ils auront un dur châtiment. Donc, il y en a parmi les gens de Bid'ah, ou bien parmi les Hizbiyin, qui refusent justement d'accepter cette narration-là, et puis ils refusent de l'appliquer également. Donc tu vois certains parmi ces du'at, soi-disant prêcheurs islamiques, qui sont supposés être les premiers à donner l'exemple dans ces questions-là, puis pourtant on voit que leurs pantalons traînent par terre à chaque fois. Et ils disent non, ça c'est pas nécessairement interdit, parce que il y a des hadiths qui spécifient que c'est ceux qui le font avec khuyala, hein, comme il y a une narration qui mentionne « Man jarra thawbahu khuyala » Donc ça c'est une narration qui mentionne que celui qui laisse traîner ses vêtements, khuyala, c'est-à-dire par fierté, hein, par orgueil, par fierté. Et les ulama ont expliqué à ce sujet-là que quand on dit khuyala, que c'est un péché, dans ce cas-là c'est quelque chose qui est un péché supplémentaire. C'est-à-dire que al-isbal, il est en lui-même interdit, que ce soit fait par fierté ou non. C'est interdit de le faire. Et celui qui le fait, il aura un châtiment. Il est sous la menace de l'enfer. Mais s'il il laisse traîner ses vêtements, et en plus de ça, il a un khuyala, en plus de ça, il est fier, il a la fierté avec lui, alors ça, c'est quelque chose qui vient juste augmenter son péché. Mais ceux qui ont compris par là que ça voulait dire que quelqu'un n'est pas sous la menace du châtiment, excepté s'il le fait avec khuyala, ça c'est une mauvaise compréhension en réalité de l'interdiction qui est mentionnée dans ce hadith. Et il y en a qui mentionnent justement l'histoire qui est rapportée au sujet de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, quand il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement l'interdiction de laisser traîner les vêtements. Yani, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu a dit yani, même moi au messager d'Allah, c'est-à-dire même moi, est-ce que moi aussi je suis dans la menace de ce châtiment-là? On voulait dire, est-ce que moi aussi je suis dans j'aurai ce châtiment-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr et il lui a dit, certes non, parce que toi tu ne le fais pas khuyala, hein, c'est-à-dire que il ne le faisait pas avec fierté. Et il y en a qui se basent sur ça pour essayer de dire que si ils laissent traîner leurs vêtements mais que c'est pas fait avec fierté, comme Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, alors dans ce cas-là, c'est pas interdit de le faire. Mais il y a une chose qui est clarifiée à ce sujet-là justement dans Fath al-Bari par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Il explique que le vêtement de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il était très en fait c'est parce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il était très mince et que son vêtement il descendait à chaque fois qu'il marchait, il glissait yani, un peu à cause de sa minceur. Et donc à chaque fois Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il devait le remonter son izar. Donc à cause de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, toi tu le fais pas khuyala, parce que c'était pas son intention de le laisser traîner hein, il descendait malgré lui. Donc ça c'est une explication qui a été mentionnée par les ulama à ce sujet là et donc ça c'est la réponse à ceux qui prétendent que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu c'était pas interdit pour lui parce qu'il le faisait par khuyala. Hein, c'est pas ça la signification. Et en même temps aussi, comme certains ulama ont clarifié, c'est que peut-être qu'une personne peut prétendre « Oui, mais moi je le fais par khuyala. » Abu Bakr as-Siddiq, il a eu le témoignage et l'attestation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui confirmait qu'il ne le faisait par khuyala. Mais est-ce que quelqu'un d'entre ceux qui le font aujourd'hui ont reçu le témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet qu'ils ne le font pas khuyala? Nous, comment on peut vérifier, comment on peut savoir qui d'entre ceux qui le font avec une fierté ou ceux qui ne le font pas avec une fierté? Il n'y a pas de moyen de vérifier ça, parce que qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes, on ne peut pas savoir. Donc nous, on ne doit pas se baser sur qu'est-ce que les gens prétendent seulement avec leur bouche, puisque ce serait bien trop facile. On se base sur les règles du Coran et de la Sunna et les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour déterminer qu'est-ce qui est yani obligatoire et qu'est-ce qui est interdit. Et donc, à ce sujet-là, donc, il y a des preuves claires qui montrent que de laisser les vêtements traîner en bas de la cheville, c'est quelque chose qui est interdit. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, parmi les hommes musulmans, ont un peu de gêne yani, face à cette situation-là. Il y en a qui sont un peu gênés de suivre cette sunna puisqu'ils ont peur du jugement des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire si on les voit avec des pantalons coupés courts ou avec des vêtements comme un kamis coupé court? Ils ont peur des jugements des gens. Et donc, il faut comprendre que ça, ça a un rapport avec la sunna et que peu importe qu'est-ce que les gens peuvent penser à ce sujet-là, nous l'important c'est qu'on suive l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça plaise ou que ça plaise pas aux gens, hein, qu'ils trouvent ça beau ou qu'ils trouvent ça pas beau, ça c'est pas important. Et donc un rappel en même temps pour les frères, il y en a qui roulent leurs pantalons, il y en a qui roulent leurs bas de pantalon au lieu de les faire couper et les faire arranger comme il faut. Donc ça c'est pas correct non plus. Il faut pas rouler les bas de pantalon. Déjà il y a une interdiction dans la sunna de prier avec les vêtements roulés. Hein? Donc si c'est le cas comme ça, il faut comprendre que la sunna par rapport aux vêtements et aux izar et aux pantalons, c'est pas de les rouler, mais c'est de les couper comme il faut pour qu'ils soient au-dessus de la cheville. Et yani, la sunna au sujet de des pantalons et des vêtements, c'est qu'ils soient en bas de la cheville. Ça c'est ce qui est l'obligation. Puis qu'est-ce qui est recommandé ou qu'est-ce qui est meilleur encore, c'est que ce soit à la mi-jambe. Si c'est à la mi-jambe, alors dans ce cas-là c'est encore mieux, d'accord, nisfusaf comme on dit en arabe, d'accord. Donc il y en a des gens aujourd'hui, ils pensent que c'est une sorte de manifestation d'extrémisme ou une sorte d'exagération dans la religion, alors que c'est quelque chose qui est confirmé dans la sunna et qui est authentique. Et en ce qui concerne les femmes, eh bien c'est le contraire. Les femmes, elles doivent pas raccourcir leurs vêtements. Leurs vêtements doivent toucher par terre quand elles marchent. et ça doit couvrir complètement leurs pieds. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans la sunna aussi à ce sujet-là, et il y a des hadiths rapportés à ce sujet-là aussi, malgré qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate, on constate que c'est plutôt le contraire. La sunna des hommes, c'est les femmes qui la suivent, hein, et la sunna des femmes, c'est les hommes qui la suivent. Allah al-musta'an. Donc ça c'est un des signes vraiment que les gens prennent les choses à l'envers parfois. Donc ça c'est à propos du premier parmi les trois catégories, c'est-à-dire al-musbil. Par la suite, il y a le deuxième mentionné, c'est al-mannan. Al-mannan, c'est la personne qui fait des faveurs aux gens, puis après elle leur rappelle les faveurs qu'elle leur a fait, elle leur rappelle les faveurs qu'elle leur a faites, dans le sens de soit pour les réprimander ou pour exiger quelque chose de leur part en retour, ou bien yani pour faire du tort à la personne. Donc ils vont dire par exemple, n'est-ce pas que je t'avais donné telle ou telle chose, n'est-ce pas que j'avais fait telle ou telle chose pour toi, et en espérant en disant une chose pareille, en espérant avoir une faveur en retour, hein, comme si ça en réalité c'est un manque de d'honnêteté ou de sincérité dans l'action qu'on fait. C'est-à-dire, on ne fait pas quelque chose sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait pour avoir quelque chose en retour. Ou bien, quelqu'un qui mentionne ou renote ou mentionne à quelqu'un le bien qu'elle lui a fait, dans le but de lui faire du tort ou quelque chose comme ça, ou de l'ennuyer. Donc ça, c'est des exemples. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran de ne pas annuler vos œuvres en faisant justement ce genre de rappel de vos œuvres aux gens, de mentionner les faveurs que vous leur avez faites. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Donc ça c'est des exemples, des choses qui annulent la valeur des actions des personnes lorsqu'ils renotent les faveurs qu'ils ont fait à quelqu'un. Ça vient annuler la valeur de leur charité ou de leur aumône. Donc ça c'est la deuxième catégorie de personnes, et ils auront également eux aussi un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils sont dans les trois catégories mentionnées dans ce hadith. Ensuite il y a la troisième catégorie qui est mentionnée, c'est al-munfiqu sil'atahu bil yamin al-kadhiba, c'est-à-dire celui qui vend sa marchandise en faisant des serments mensongers. Il vend sa marchandise en faisant des serments mensongers. Donc ça fait partie également des exemples de catégories de personnes qui auront droit à ce châtiment-là au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh il mentionne la suite du hadith. Il mentionne la suite du hadith, et c'est-à-dire wa qawluhu wa man hulifa lahu billahi falyarda. C'est-à-dire, et celui à qui on a juré par Allah, celui à qui on a juré par Allah, alors qu'il soit satisfait. هذا محل الشاهد من الحديث للباب. ومعناه فليرضى باليمين بالله تعظيما لله سبحانه. وهذا يدل على كمال التوحيد. ثم الحالف إن كان صادقا فهو على ما حلف، وإن كان كاذبا فإثمه عليه. قوله ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة من الله سبحانه وتعالى ممن لم يقنع بالحلف بالله. وهذا وعيد شديد، وهذا وعيد شديد، فيجب تعظيم اليمين والرضا بها، سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات، فالمسلم يحسن الظن بأخيه المسلم. Donc le cheikh il explique ce hadith, cette partie du hadith qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui on a juré par Allah alors qu'il soit satisfait, et c'est le but pour lequel l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Et ça signifie celui qui n'est pas satisfait du serment que quelqu'un a fait par Allah subhanahu wa ta'ala, yani dans le but de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait c'est ça, c'est la signification, c'est que quelqu'un soit satisfait lorsqu'on a fait un serment par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de quelque chose, lorsqu'on lui a juré quelque chose par Allah subhanahu wa ta'ala, il doit l'accepter et il doit être satisfait par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça indique la perfection dans le tawhid, la perfection ou le perfectionnement dans le tawhid. Et ensuite le cheikh il dit, la personne qui jure si elle est véridique, alors il est sur ce qu'il a juré, ou il a, dans ce cas là si ce pourquoi il a juré est véridique, alors dans ce cas là il a ce pourquoi il a juré, donc c'est véridique. Mais si il a juré de façon mensongère, alors le péché sera sur lui, hein. Et la personne qui a cru, hein, son serment, il n'aura pas de blâme, puisque il n'a fait que croire en, hein, ce que la personne avait dit par serment, ou en faisant son serment. قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Et la suite du hadith ensuite, ça dit, et celui qui n'est pas satisfait, il n'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue de ce genre de personne qui n'est pas convaincue par le serment qu'on lui fait lorsqu'on jure par Allah devant lui. Et ça, c'est une menace très sévère. Et donc, il est important d'avoir du respect pour le serment que quelqu'un fait par Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être satisfait par ce serment-là, de l'accepter. Et peu importe que ce soit dans les disputes, dans les conflits, que ce soit dans les excuses que quelqu'un peut donner ou quoi, donc le musulman, il doit avoir une bonne pensée pour son frère dans ces situations-là. Donc ça vient clarifier justement la signification de ce hadith. Juste en passant, au sujet de ce hadith, il a été rapporté justement que il est rapporté par Ibn Majah, et Al-Hafiz il a déclaré que il est Hassan. Al-Busayri est l'auteur, il l'a également mentionné comme étant Hassan. Et il y a dans la version écrite par dans le Tahqiq et le Tahrij et le Ta'liq de Abu Abdurrahman Radman ibn Ahmed ibn Ali al-Hubayshi, il y a l'introduction de Cheikh Abu Abdurrahman Yahya al-Hajouri et Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam, dans cette édition qui a été préfacée par ces deux imams de Kitab al-Tawhid, il y a un tahrij et il mentionne justement que le hadith il a été déclaré Hassan par certains parmi les ulama, et il a été déclaré sahih par Sulaiman al-Sheikh dans Taysir al-Aziz al-Hamid, et également par Sheikh al-Albani dans le hadith numéro 2698. Il a été déclaré sahih. Ensuite le Sheikh il énumère les différents bienfaits qu'on peut tirer, ou les différents points qu'on peut tirer de ce hadith. Il mentionne comme premier point al-mas'alatul ula tahrim al-halif bi ghayrillah. Tahrim al-halif bi ghayrillah wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tahlifu bi aba'ikum. C'est ça, la première partie du hadith il est rapporté par al-Bukhari et Muslim. La tahlifu bi aba'ikum, selon Ibn Umar. Donc, il y a cette partie-là qui est authentique. Et donc, ne jurez pas par vos pères. Ça, c'est le premier point, c'est l'interdiction de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est al-mas'alatu thaniya wujubu al-sidq fi al-iman wa adam al-kadhib fiha. Li'anna al-sidqa في الإيمان تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لعهده. Deuxièmement, il y a l'obligation d'être véridique dans nos serments et l'interdiction de mentir en général et en particulier dans les serments qu'on fait. parce que d'être véridique dans nos serments, ça fait partie du respect qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie de, du respect de notre engagement et de notre serment. Donc ça c'est très important. Et la, le point numéro 3, al-mas'alatu thalitha, wujubul qana'ati bil halfi billahi wa tahrimu 'adam al qana'ati bil halfi billah. Al-mas'alatu thalitha, wujubul qana'ati bil halfi billah wa tahrimu 'adam al qana'ati bil halfi billah. لا من المحلوف له بل وذلك لأن ذلك تعظيم لجانب الله وثقة بالحلف به وأن لا يستهان باليمين بالله لا من الحالف ولا من المحلوف له بل تعظيم من الجانبين وهذا من حقوق التوحيد وعدمه من نقصان التوحيد. Donc, le cheikh explique ici, comme dans le point numéro 3, il dit que il est obligatoire d'être convaincu de ce qui a été mentionné par serment, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'interdiction de ne pas être convaincu de ce qui a été mentionné par serment, par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, ça fait partie du respect d'Allah subhanahu wa ta'ala pour, par rapport à qu'est-ce qu'il y a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça montre qu'on a du respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on a du respect et on a de la confiance en ce qui est mentionné par serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui a été mentionné sous serment par Allah subhanahu wa ta'ala, on a du respect pour ça et on a confiance en ça. Et pour montrer que on n'a pas, on ne néglige pas, on ne dénigre pas, ou bien on ne prend pas à la légère qu'est-ce que quelqu'un a dit sous serment par Allah subhanahu wa ta'ala, ni de la part de la personne qui jure, ni de la chose pour laquelle qui a été juré. Donc on va faire confiance, ou bien disons plutôt qu'on va être convaincu de la personne qui a juré et de la chose pour laquelle il a juré. Et ça c'est un respect dans les deux sens, pour les deux côtés, et que ça fait partie des droits du tawhid, et de ne pas respecter le serment qui a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas avoir de respect pour ça, ça veut dire qu'on n'a pas de, ça veut dire qu'on a un manquement dans notre tawhid, une déficience dans notre tawhid. Donc on a complété avec ça le chapitre 43. Maintenant on va faire le chapitre 44. Il y a une partie du chapitre 44. C'est le chapitre qui s'intitule Babun Qawlu Ma Sha Allahu Wa Shit. C'est-à-dire le chapitre au sujet de qu'est-ce qui a été rapporté sur la parole de la personne qui dit ce que Allah a voulu et toi. Ce que Allah a voulu et toi. Ma Sha Allah Wa Shit. Donc, on a déjà parlé de ça lorsqu'on a parlé dans des chapitres précédents au sujet de mettre Allah subhanahu wa ta'ala à égalité avec les créatures. Et on a expliqué que ça fait partie des formes de shirk. Et donc là, on en reparle maintenant de façon plus spécifique, plus détaillée, inshallah. Le premier hadith qui est rapporté dans ce chapitre-là, c'est un hadith qui est rapporté selon قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت تقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي. Donc ça c'est un hadith aussi qui est authentifié dans le Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le numéro 136. Donc yani, il est mentionné dans le Silsilat al-Ahadith al-Sahiha au numéro 136. Et il a été authentifié par d'autres aussi parmi les ulama. Ok, donc ce hadith-là, qu'est-ce qu'il signifie en français? Premièrement, c'est rapporté selon Qutayla. Il a dit qu'il y a un juif qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit, vous, en parlant des musulmans, il dit, vous, vous dites ce qu'Allah a... Il dit, vous faites le shirk. Le juif a dit, vous, vous faites le shirk parce que vous dites ce qu'Allah a voulu et ce que tu veux. C'est en parlant du... En voulant dire ce qu'Allah a voulu et ce que tu veux, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous dites également, par la Kaaba, en jurant par la Kaaba. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans, lorsqu'ils voulaient jurer ou lorsqu'ils voulaient faire un serment, de dire, au lieu de dire ce qu'ils disaient préalablement, de dire par le Seigneur de la Kaaba, et de dire également Masha'Allah, puis ensuite Masha'ta, Masha'Allah, ce que Allah a voulu, puis ensuite ce que tu veux, toi. Donc c'est pour mettre un décalage entre les deux, pour montrer que c'est pas égal, il n'y a pas d'égalité entre ce que Allah a voulu et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a voulu, ou ce qu'une autre créature a voulu. Allah, ce que Allah a voulu, c'est ça qui est au-dessus de tout. Bon, maintenant on va lire les paroles du cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Le cheikh dit, قال الشيخ رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت يعني أي ما ورد في ذلك من النهي وأنه شرك وتنديد لأنك إذا قلت ذلك شركت بين الخالق والمخلوق في المشيئة حيث عطفت الواو والواو تقتضي التشريك وهذا شرك في الربوبية وهو لا يجوز وإن كان القائل لا يعتقد هذا في قلبه فهو شرك في اللفظ ومنهي عنه فكيف فهو شرك في اللفظ منهي عنه فكيف إذا اعتقد هذا في قلبه فالأمر أشد. Donc le cheikh il commence en disant que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a intitulé ce chapitre le chapitre de qu'est-ce qui a été de la parole, de qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de la parole, lorsque quelqu'un dit ce que Allah a voulu et toi, ce que Allah a voulu et ce que tu as et toi et ce que tu veux, et ce que tu veux toi. Donc ça c'est ce qui a été rapporté de l'interdiction à ce sujet-là et du fait que c'est une forme de shirk et une forme de mettre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lorsque tu dis Masha'Allah wa shi't, ce que Allah a voulu et ce que tu veux toi, c'est comme si tu viens en fait mettre Allah subhanahu wa ta'ala à égalité avec sa création dans la volonté, et que tu lui donnais des partenaires, que tu lui donnais un partenaire dans sa volonté, en disant ça de cette manière-là, en utilisant le waouh, cette conjonction qu'on appelle waouh en arabe. Et en français c'est le E, E, T, la lettre E, T, ça veut dire E. Et donc le wow, c'est ce qu'il implique. Il implique que quelque chose est fait par quelqu'un d'autre en même temps ou à égalité. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui est interdit. C'est une forme de shirk. Le cheikh dit ça, c'est une forme de shirk dans Ar-Rububiyya, de mettre quelqu'un à égalité avec Allah dans sa volonté et de lui donner un partenaire dans sa volonté. Ça implique ça. Donc ça c'est quelque chose qui est interdit, et ça c'est interdit même si la personne qui le dit n'y croit pas dans son cœur, ne croit pas en cette égalité là dans son cœur. Donc c'est une forme de shirk dans les mots et dans les paroles, dans les expressions. Et c'est une forme d'expression qui est interdite. Donc, si c'est interdit de le dire, même si on n'y croit pas, ou même si on ne croit pas qu'il y a une égalité, alors que dire de la personne qui le dit et qui croit en une égalité dans son cœur? ça c'est encore plus grave. Et ensuite le cheikh il commence donc à expliquer ce hadith. Il commence en disant wa an Qutayla, Qutayla bint Safi bint Sayfi al-Ansariya wa ba'dhum yaqul al-Juhaniya. Premièrement, Qutayla c'est une femme et on l'appelle Qutayla, la fille de Sayfi al-Ansariya. Il y en a qui disent qu'elle est Ansariya, d'autres disent qu'elle est Juhaniya. Il dit ensuite wa qawluhu anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala innakum tushrikun تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة هذا اليهودي عرفها أن هذا شرك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وروج ووجه أمته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيحة فيقول ورب الكعبة وإن يقول ما شاء الله ثم شئت. Donc le cheikh il dit qu'il y a un juif qui est venu voir le professeur sallam qui a dit vous faites le shirk, vous dites ce que Allah a voulu et toi et vous dites par la Kaaba, donc vous jurez par la Kaaba. Et ce juif donc a su que ça c'est une forme de shirk et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ça et il a accepté ça de sa part et il a indiqué à la Umma de changer ces expressions là par des expressions qui sont correctes. Au lieu de dire ce qu'il disait auparavant, il devait dire maintenant par le Seigneur de la Kaaba. Et au lieu de dire ce qu'il disait auparavant par rapport à la volonté, il devait dire ce que Allah veut, puis ensuite toi. فَقَوْلُهُ قُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَبُّ الْكَعْبَةِ هُوَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْكَعْبَةِ بَيْتُ اللَّهِ فَلَا يُحْلَفُ بِالْكَعْبَةِ وَإِنَّمَا يُحْلَفُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ وهذا هو البديل الصحيح الخالي من الشرك. Le cheikh il dit donc ici dans cette parole on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dites par le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit le Seigneur de la Kaaba c'est quoi? C'est la maison d'Allah. Donc on n'a pas le droit de jurer par la maison d'Allah ou par la Kaaba, et donc il faut uniquement jurer par le Seigneur de la Kaaba. Et ça c'est l'alternative correcte qui est exempte de toute forme de shirk. وإذا كان الحلف بالكعبة إذا كان الحلف بالكعبة شركا ومنهيا عنه فكيف بالحلف بغيرها من المخلوقات. Donc le cheikh il mentionne un point important ici. Il dit que si de jurer par la Kaaba c'est shirk et que c'est interdit, alors que dire du fait de jurer par autre que la Kaaba, puisque la Kaaba c'est une des créatures qui est parmi les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est une créature parmi les créatures d'Allah qui est parmi les bonnes créatures d'Allah. Donc que dire de yani, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba, Allah l'a honoré. Donc c'est quelque chose qu'il a honoré. Donc de jurer par la Kaaba c'est interdit et que c'est shirk, alors que dire d'autres choses. Il dit après wa qawluhu qulu ma sha Allah thumma shit, hadha huwa al-lafz as-sahih an ya'ti bi thumma badal al-waw li'anna al-waw lit-tashrik bayna al-khaliq wal-makhluq fi al-mashi'a amma thumma fa innahu lit-tartib haythu ju'ilat mashi'atu al-makhluq بعد مشيئة الخالق لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى فمشيئته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة فهذا هو فرق بين اللفظتين لفظة ما شاء الله وشئت وبين ما شاء الله ثم شئت فلفظ ما شاء الله وشئت شرك ولفظة ما شاء الله ثم شئت. Donc, le cheikh explique ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba de dire dites ce que Allah a voulu puis ensuite ce que tu veux. Ça c'est la parole ou l'expression qui est correcte, de dire summa au lieu d'utiliser le waw, parce que summa ça, le waw comme on a dit tout à l'heure, c'est montrer qu'il y a une participation égale ou bien qu'il y aurait un partenariat entre le Créateur et la créature dans la volonté. Hein? Et quand on utilise l'expression « summa », là c'est pour montrer qu'il y a un décalage, qu'il y a un degré. Hein? Et donc on montre qu'il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier, et que la volonté de la créature, elle suit, elle vient par la suite. Et donc le cheikh dit, parce que la créature ne peut vouloir accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc la volonté de la créature, elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle n'est pas indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est la différence entre les deux expressions. La première expression masha'allahu wa shi'at, avec le waouh, et la deuxième masha'allahu thumma shi'at. La première expression avec le waouh, ça c'est une forme de shirk, et la deuxième expression avec le thumma, masha'allahu thumma shi'at, ça c'est un exemple de tawhid, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shaykh il dit wal makhluqu lahu mashi'a خلافا للجبرية الضلال الذين يقولون إن المخلوق ليس له مشيئة بل هو مجبور يفعل الكفر والمعاصي والشرك من غير اختياره مثل الآلهة التي تحرك مثل الآلة التي تحرك ومثل الآلة التي تحرك والريشة التي تحركها الريح ولو كان كذلك لم يستحق العذاب على المعصية ولم يستحق الثواب على الطاعة. Donc le cheikh il dit que la créature, donc ça c'est la preuve que la créature elle a une volonté, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit aux gens de dire n'a pas interdit de mentionner thumma shi'at, c'est-à-dire ce que Allah a voulu, puis ensuite ce que tu as voulu. C'est la preuve que la créature elle a une volonté elle aussi, l'être humain il a une volonté lui aussi, contrairement à ce que disent les Jabriyas, les égarés parmi les Jabriyas, qui disent que la créature elle n'a pas de volonté du tout, elle est forcée, elle est contrainte à faire ce qu'elle fait. Lorsqu'elle fait le kouf ou les péchés ou le shirk ou d'autres parmi les choses, elle le fait sans que ce soit dans sa volonté, sans que ce soit dans son choix. Et il compare l'être humain à un instrument qu'on fait bouger, ou bien à une plume qui se fait souffler par le vent. Et donc si c'était le cas, et si les choses étaient telles que les Jabriyas l'imaginent, eh bien l'être humain ne devrait pas mériter de châtiment pour un péché qu'il fait, et il ne mériterait pas non plus de récompense pour les bonnes œuvres qu'il fait. Hein? Et donc ça montre l'absurdité des paroles des Jabriyas. Ensuite, le cheikh il dit وَيُقَابِلُهُمْ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ قَالُوا الْعَبْدُ لَهُ مَشِئَةً مُسْتَقِلَّةٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِمَشِئَةِ اللَّهِ فَهُوَ يَفْعَلُ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِي بِغَيْرِ مَشِئَةِ اللَّهِ وإنما بمشيئته مستقلا بها تعالى الله عما يقولون وهذا معناه أنه يحدث في ملك الله ما لا يشاءه وليس من لازم مشيئة الله محبته لكل ما يشاءه سبحانه فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه وإنما يشاءه ويخلقه لحكمة بالغة وهي الابتلاء والامتحان وإلا فلو شاء الله لهدى الناس جميعا ولكن اقتضت حكمته أن يتفاوت بينهم. Le cheikh mentionne un point ici par la suite, après avoir mentionné les Jabriyas et qu'est-ce qui arrive aux Jabriyas dans leur aqidah, comment ils sont déviés. Maintenant il mentionne ceux qui opposent les Jabriyas, c'est-à-dire les Mu'tazila, ceux qui disent que la créature elle a une volonté indépendante qui n'a aucun lien avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils disent que lorsque la créature décide de faire de la mécréance ou des péchés, alors ils disent que ce n'est pas par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que c'est par sa volonté à cet individu-là, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce que ces gens-là disent. Hein, parce que ça signifie quoi en réalité? Ça signifie que dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait se produire ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Et que tout ce qui se produit n'est pas directement relié à ce que Allah a voulu. Et ça, c'est complètement absurde. En fait, c'est une forme de kufr, yani. Et le cheikh, il dit, lorsqu'on dit que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par la volonté d'Allah, ça n'implique pas du tout que Allah aime tout ce qu'il veut. Hein? Ça n'implique pas du tout que Allah aime tout ce qu'il veut par rapport à ce qui se produit dans l'univers. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le mécréant fasse le kufr, mais il ne l'aime pas. Hein? Il ne l'aime pas. Il l'a uniquement voulu et créé pour une sagesse absolue et ultime. Hein? Et c'est-à-dire dans le but de... C'est quoi cette sagesse? C'est dans le but de tester et de mettre l'homme à l'épreuve. Et sinon... Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et s'il aurait voulu, si Allah aurait voulu, il aurait guidé tous les hommes, mais par sa sagesse, hein, sa sagesse implique que, ou sa sagesse implique que il y ait des différences entre les hommes et que certains acceptent la foi et que d'autres rejettent la foi. Et tout ça, c'est par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa science et par sa justice. Donc, il a créé les hommes, il en a créé des mécréants, et quand ces mécréants rejettent la foi, c'est par la volonté d'Allah. Mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime la mécréance qui arrive de leur part. Donc ça vient conclure donc cette partie, et nous on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, puis on continuera donc la suite de ce cours. وبرشيء يكون إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته